Nous sommes le 8 septembre 2019, bienvenue dans Commentaires d'après-jeu, le podcast qui vous éveille à la critique ludique, où un groupe de joueurs différents à chaque épisode donne ses réactions à chaud juste après une partie de jeu de société. Le jeu de ce soir est Kauna. Donc Kauna, c'est un jeu de stratégie pour deux joueurs. Donc le auteur, c'est Günther Kornet, édité par Tilsit en 1998. C'est du 10 ans ou plus, et une partie dure 30 à 40 minutes. Donc ce soir, nous sommes toujours en tête-à-tête avec Flavien, nous sommes toujours donc que deux, puisque nous avons fait un jeu à deux. Alors, donc moi, je suis toujours Philippe, alias Crazy Smiler, j'ai 37 ans, je suis un joueur expérimenté, et vous m'avez déjà entendu dans tous les numéros. Et concernant mon signe particulier, je suis allé donc déjà dans un archipel, donc je crois le plus bel archipel du monde, c'est-à-dire les Maldives. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Maldives, c'est énormément de petites îles, mais vraiment énormément de petites îles. Et là-bas, le moyen de transport pour se balader entre plusieurs îles, c'est l'hydravion. C'est très très très courant. Il y a aussi le bateau, mais ça se fait bien, ça se fait souvent en hydravion. Voilà, donc Flavien, je te laisse te représenter. Donc, je m'appelle Flavien, alias Flavio, j'ai 34 ans, j'ai une bonne expérience de jeu depuis enfant, et vous m'avez déjà entendu dans plusieurs numéros auparavant. Et en signe particulier, j'ai pas de signe forte, mais j'ai fait quand même le signe de Noirmoutier. C'est une île. C'est une île, c'est pas un archipel. Donc ce n'est pas un archipel, mais c'est une presqu'île. C'est une presqu'île avec un pont. Donc je suis quand même content de ça. Voilà. Et puis, et ben voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, si vous voulez faire partie du prochain enregistrement de Commentaires d'après-jeu, et ben, le plus simple, c'est quand même d'habiter sur Nantes ou sa région, de vous inscrire sur le site On va sortir de Nantes. Vous guettez les sorties que je lance, qui s'appelle jeu puis de podcast. Et puis ensuite, vous venez, on tire un jeu au hasard parmi les jeux que vous avez apportés. On joue au jeu et on enregistre le podcast juste après. Donc, c'est encore mon jeu, Kauna. Donc, je vais présenter le jeu. Donc, comme on le disait, c'est pour deux personnes. Il y a un petit plateau de jeu qui représente un archipel avec une dizaine d'îles, grosso modo. Après, on a des pions, donc noirs ou blancs, suivant notre équipe. Donc, les pions, il y a deux styles de pions. Il y a des ponts et des marqueurs d'influence. Donc voilà, on va pouvoir poser des ponts grâce aux cartes entre des îles. Et si on a la majorité des ponts posables, on a le droit de mettre un marqueur d'influence sur une île. Et donc cette île nous appartient. Le jeu se joue en trois manches. La première manche, celui qui a le plus d'îles gagne un point. La deuxième manche, celui qui a le plus d'îles gagne 2 points. Et la troisième manche, chaque île que l'on possède vaut 1 point. Donc on additionne les points entre chaque manche. Et puis à la fin, celui qui a le plus de points gagne, bien évidemment. Voilà, donc pour poser des ponts, c'est grâce aux cartes qu'on va avoir. Et les cartes, on peut les piocher. On a le choix entre 4 cartes, 3 cartes qui sont face visible ou une face cachée. Voilà pour le résumé, la présentation du jeu. Flavien, est-ce que tu as bien aimé le jeu? Ah oui, pour. Sur le style du jeu, il y a un côté intéressant. Mm-hmm. Maintenant, c'est un jeu que j'ai pas accroché. Ah, alors moi par contre, j'adore ce jeu. j'ai gagné, donc c'est peut-être pour ça. Enfin, le jeu, ça fait très longtemps que je l'ai. Moi je l'adore, franchement je lui trouve pas beaucoup de défauts, mais voilà, on va aller voir plus en détail ce que je lui reproche. Les règles, qu'est-ce que tu as pensé des règles, Flavien? L'apprentissage des règles est très simple, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Ouais, on est d'accord, c'est limpide, il n'y a pas de. Je veux dire, elles sont simples, il n'y a pas, on Ah se pose là, pas de c'est. questions, et Non, puis voilà. il n'y a aucune question. Et en même temps, on verra qu'il y a une stratégie dans le jeu, donc ça doit être simple, faut quand même réfléchir un Enfin, petit peu. sur la règle, oui, mais Oui. sur la règle, elle est très simple. Ouais. Sur le thème règle. Et au niveau des mécaniques de jeu? Alors, mécanique de jeu, bon, pour moi, c'est le côté. Du coup, j'ai découvert stratégique, donc ça, c'est très stratégique. Placement. Donc avec les ponts, parce que c'est des îles, et puis il faut faire des placements et des liaisons avec les ponts entre les îles. Et voir, c'est d'observation aussi, beaucoup d'observation. Donc pour bien placer ces ponts et du coup devenir propriétaire. Et ça permet de faire des combinaisons très vite. D'être propriétaire et pour l'attaque aussi, parce qu'on peut attaquer dans ce jeu pour faire sauter des ponts et refaire perdre la propriété de l'adversaire. Donc effectivement, c'est très stratégique et le placement et voir en même temps, c'est la duo, pour moi c'est le duo, regarder et le placement, donc sur les ponts, les îles et parce que c'est aussi une mécanique c'est un jeu de cartes aussi. Donc, il y a un plateau et c'est un jeu de cartes aussi. Et il y a un petit magasin et une pioche. Donc, là, c'est le seul truc, c'est le peu. Il y a juste le petit côté hasard de la pioche. C'est le seul qui est très faible par rapport à. Donc, par rapport à la stratégie. Mais on a un magasin de trois cartes. Donc, effectivement, ça permet d'anticiper aussi de ce qu'on prend et de ce que l'adversaire prend aussi quand on le voit prendre. Donc c'est pour ça, c'est ça que j'ai vu dans la mécanique du jeu. En tout cas, c'est vraiment tout ça. Ouais, alors bah moi justement, concernant ce magasin, je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que les stratégies sont. Quand on sait bien jouer, on maîtrise bien les stratégies. Et donc ce qui va faire la différence, en fait, c'est les cartes qu'on va piocher. Donc on a le choix entre piocher une carte qu'on voit, parmi trois cartes, ou alors une carte au hasard. Et donc pour moi, c'est cette mécanique qui vient compléter le reste des règles à merveille. Quand on prend une carte au hasard, c'est un petit côté chance. Mais l'avantage, c'est que son adversaire ne voit pas la carte qu'on a prise. Et donc, ça nous permet de mieux cacher ce qu'on va faire. De toute façon, là, on découle tout de suite sur le côté de stratégie. Moi, pour essayer de gagner, mon objectif, c'était de te détruire un maximum de ponts. Et donc, pour détruire des ponts, soit on utilise deux cartes pour détruire un pont, ce qui n'est pas très rentable, soit on utilise le marqueur d'influence pour détruire des ponts. Et c'est comme ça que j'ai essayé de t'avoir, de te détruire un maximum de ponts en me posant un minimum de cartes en fait. Voilà. Et puis donc mon autre stratégie, c'était comme je viens de le dire, c'est regarder les cartes que tu prenais pour anticiper ce que tu allais faire et essayer de te contrer au moment, enfin juste après que tu le fasses, vu que c'est du tour par tour. Et toi, comment est-ce que tu as essayé de jouer? Alors moi c'est de prendre des cartes déjà au début, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 dans la limite des cartes, Ouais, 5 cartes en main. ces cartes en main. Donc j'ai pris pas mal de cartes par rapport à ça pour faire après une combinaison. Au début j'ai pris face cachée pour éviter que tu voyes la carte que je prends et que tu puisses anticiper. Et c'est ce qui m'a permis de te rééquilibrer sur la propriété, parce que je t'ai refait sauter pas mal de choses. Et là ça m'a permis de te rééquilibrer. Après, il y a le côté, je vois qu'il y a chaque île ont deux cartes. Donc, une fois que c'est utilisé, on ne peut pas reprendre cela aussi. Et donc, ce qu'on voit déjà, on peut effectivement anticiper. Donc, après, quand je voyais des îles où les deux cartes étaient passées, je voyais que je ne pouvais plus te faire quoi que ce soit là-dessus. Parce qu'il y a des îles extérieures, un peu, une fois qu'elles sont prises et que les deux cartes sont passées, on ne peut pas vraiment réattaquer. Donc, là, je m'occupais pas de ça en fait. Ou quand il y avait beaucoup de ponts sur une île, Je m'occupais plus qui est à l'extérieur du plateau. Je m'occupais pas de reprendre cette île-là, quoi. Soit avec une attaque. Donc, ce qui libérait pour justement une nouvelle carte et une nouvelle île plus facile pour refaire une combinaison avec une attaque et te faire sauter du coup les propriétés. Les jetons, comme je sais plus comment on les appelle, tu disais Le marqueur le d'influence, moi marqueur j'ai mis. d'influence. Donc voilà. Et puis bah, ça m'a. Bien sûr, j'ai fait avec la stratégie de l'attaque gratuite, je l'ai fait. Ça oui. Et puis j'ai fait un peu d'attaque avec les deux cartes aussi. Et ça m'a bien embêté d'ailleurs, des Parce fois. que je t'ai fait sauter juste des Ouais. ponts. Et qui te refaisait perdre aussitôt Des les influences. influences. Donc je me suis dit, tu vas te concentrer pour reprendre. Et moi, ça va me permettre de me concentrer sur celle que je voulais avoir comme île. Donc c'est ça qui m'a permis un peu aussi dans la stratégie. Donc voilà un peu la méthode stratégique que j'ai, on va dire que j'ai employé. Puis après effectivement j'ai pas mal pioché dans le magasin. Et là j'ai vu que tu voyais à chaque fois. Donc et comme c'est là où bah, après moi j'ai pas vraiment réussi à te. Et comme le plateau bah tu vois bien tous les îles et tout, mais il y a des combinaisons, faut vraiment voir parce qu'il y a des combos que tu fais sur une île et qui touchent d'autres îles. Et c'est là où j'ai pas. Non, je voyais que tu faisais, mais bon. Bon, en fait, Pour moi, en tant que débutant, c'est non, Bon, on j'ai a. pas réussi après avoir une stratégie avec un joueur très élevé au niveau de ce jeu, qui joue Non, très bien. en fait, on a été très très serré au niveau. Déjà, bah, première manche, on a été égalité. La deuxième manche, je t'ai battu. J'ai mis une île de plus, mais au dernier coup. Donc vraiment sur le fil. Donc on était égalité. En début de la troisième manche, on a été égalité jusqu'à ce que je fasse un coup. Mais c'est grâce aux cartes, c'est à la chance que j'ai eue de tirer ces cartes-là. J'ai fait un coup et là, t'as jamais pu remonter. Parce que t'as pas repioché les bonnes cartes. Mais c'est pas une grosse erreur de stratégie. C'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir les bonnes cartes. Et bon, j'ai su en tirer profit. Mais toi, effectivement, enfin, je pense que t'as pas du tout démérité, quoi. C'est juste qu'il y a un moment où j'ai eu un coup de chance, quoi. Voilà. D'accord, on est d'accord. Ah, Ah oui, d'accord. je reconnais que je sais pas. Là, c'est pas parce que j'ai. Enfin, oui, j'ai peut-être mieux joué que toi, et encore, c'est même pas sûr. Ah J'ai bah. fait avec les cartes, quoi. Oui, tu fais avec Voilà. les cartes, bien sûr. Non, non, bien sûr. Bah, y a mais comme tu l'as. Parce que tu viens de dire tout à l'heure, que justement, il y a le parti magasin qui fait l'autre mécanique où on peut anticiper et stratégique. Il y a une petite partie hasard de la pioche, mais l'autre, il ne voit pas. Mais. Tu t'appuies bien là-dessus, donc tu t'es bien appuyé sur ce que j'ai pris, et donc tu avais déjà cette stratégie-là en toi, sur la méthode déjà pour anticiper par rapport à moi. Moi je trouve que pour un débutant, c'est pas. Parce qu'il faut voir le plateau et les ponts plus le magasin, c'est un jeu qui est très visuel. Et donc, parce qu'il y a vraiment une combinaison possible, parce que comme tu l'as eu, ok, il y a la petite chance, mais ta petite chance, après tu l'as quand même complétée avec tes autres cartes que tu avais déjà. Donc en préparation. Donc j'ai vu que tu as quand même bien enchaîné ta combinaison. Donc c'est ça, il y a quand même un côté extrêmement visuel pour moi. Et ça, de voir tout d'un coup, d'une façon, pour quelqu'un qui vient dans la première partie, qui connaît pas le jeu du tout, bah ça, c'est pas évident. Et oui, Non, pour moi, c'est pas évident. c'est pour ça que j'ai présenté le jeu comme un jeu de stratégie. Et comme tout bon jeu de stratégie, bah, c'est pas en une partie que tu maîtrises toutes les stratégies pour y arriver. Et c'est ce que je trouve intéressant justement dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment l'expérience qui va jouer. Bien sûr, t'as pas après ça, bien sûr, mais c'est. Alors après, c'est vrai que moi, ça faisait comme très très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu, donc j'ai un peu perdu, mais bon, c'est revenu quand même. L'ambiance autour de la table. Moi, je pense que ça ressemble à un jeu d'échecs, à la même ambiance qu'on peut retrouver autour d'un échiquier, mais en beaucoup plus fun, parce que déjà, c'est-à-dire que la même ambiance au niveau où on réfléchit chacun dans notre coin. Et on va regarder les mouvements des autres, de l'adversaire, pour essayer de le contrer. Mais c'est quand même beaucoup moins prise de tête, parce que moi je sais que l'échec, c'est très très calculatoire. Là, on peut beaucoup moins calculer à l'avance les coups. Et donc, c'est moi, ce que j'aime pas trop les échecs, en fait. Hein. Et alors que Kahuna, j'aime bien, parce qu'il n'y a pas à calculer autant à l'avance. Et puis le jeu est plus joli, quoi. Il y a des couleurs, on voit la mer, comparé aux échecs où c'est en deux couleurs généralement, c'est pas top. Donc voilà, donc pour l'ambiance, nous on a été, ouais, tous les deux on parlait pas beaucoup, effectivement. On était vraiment dans notre réflexion, mais en même temps, pour moi, c'était pas trop prise de tête. Et pour toi? Donc pour moi c'est effectivement calme, c'est très très calme, très silencieux. Donc ça c'est super agréable. Effectivement c'est chacun dans son petit coin et qui réfléchit bien psy. Donc ça effectivement ça retrouve le jeu d'échecs sur le style de l'ambiance. Donc ça là-dessus, ça c'est complètement ça aussi que j'ai pris. Après c'est vrai que bah, pour moi c'était aussi c'était je me suis mis un peu de tension parce que comme j'étais en face d'un joueur compétent. Et du coup, ça met une tension quand même, je trouve. Donc pour moi, c'est pour moi, je dis ça, hein. C'était calme avec tension, parce que bah, j'ai vu que dans ce jeu, il y a quand même une combinaison qui est très vite possible, avec un petit côté hasard aussi, bien sûr. C'est vrai que ça m'a. Ouais, j'ai pas été à l'aise là-dessus. Ah bah oui. Et Ça ça, c'est du. Après, effectivement, par rapport donc au jeu d'échecs, c'est sûr, par contre, c'est plus fun. Hein. C'est un jeu plus fun et plus agréable au regard. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que moi, les jeux d'échecs, j'aime pas non plus. Donc, maintenant, c'est juste un point de vue. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est. Le plateau est tranquille. Voilà. Ça. Une illustration est très simple, hein, par contre. Hein. C'est pour. Oui. Même les cartes sont. Ouais. C'est très très simple, C'est l'illustration. assez simple, mais comme tu l'as fait remarquer, les cartes sont quand même bien faites. Parce que sur les cartes, il y a le nombre de ponts maximum entre les îles. Et en plus, il y a la place de l'île sur la carte. Et la carte, on peut la prendre des deux côtés, recto ou verso, suivant Oui. comment le plateau est orienté pour nous. Soit il est orienté côté poisson, soit il est orienté Oui. côté tortue. Ah oui, ça, pour ça, c'est très bien Donc fait. Hein. c'est bien fait, je trouve, Sur le, oui, sur le pour côté. ça. Oui. Sur le plan carte, oui, c'est très bien fait, ça, oui. Alors, à qui peut vraiment envisager d'acheter ce jeu? Ah, bah ça, après, ça. Moi, j'ai mis pour ceux qui aiment les jeux de stratégie, donc pour les joueurs de stratégie, et qui prennent souvent le train. Comme moi, parce que moi, pendant un moment, je prenais très très souvent le train. Et donc, je prenais le jeu dans mon sac et je le sortais. Et puis, bah, mon voisin de train, que je ne connaissais pas, je lui proposais de jouer à Kahuna ou à Can't Stop. Souvent, les gens aimaient bien Kahuna, d'ailleurs. Même s'ils perdaient, ils voulaient souvent refaire une deuxième partie. Pour voir pour mieux pour dire ah non la première je connaissais pas donc ils en font une deuxième puis et là ils maîtrisaient mieux les règles du jeu toutes les stratégies et ça plaisait énormément. Donc pour moi joueur de stratégie et ça passe très bien dans le train. Oui, donc c'est pour des voyageurs. Pour des voyageurs, ouais. Voilà, mais pas que, enfin voilà, pour les gens qui sont en couple et qui aiment bien les jeux de stratégie aussi. Parce que c'est un jeu en binôme, comme un jeu Ouais, d'échecs, voilà. comme un jeu de dames. Ouais. Donc en tout cas, moi je le recommande. Toi peut-être pas, mais moi je le recommande Ah ben non, bien. bah après ça après ça, ce jeu après il est très intéressant. Hein, j'ai pas dit qu'il était mauvais. C'est juste qu'il est très intéressant ce jeu. Donc effectivement, c'est très très bien pour effectivement en mode comme tu dis en train, comme pour un binôme, pour des couples, pour des amis, pour des colocs. Donc ça, parce que ça après c'est un jeu qui joue un deux sur le style, le thème stratégique comme un jeu de dames, un jeu de stratégie d'échecs. Tous ces gens qui aiment ce style de stratégie, c'est sûr que ça aide aussi à aimer ce jeu. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'était simplement parce que le style du jeu, pour moi, non. J'ai pas accroché, j'ai pas eu d'affinité, tout simplement. D'accord, ouais. Donc en jeu semblable, ben on l'a dit, hein, dames, échecs, tous ces petits jeux à deux, mais en sachant que c'est quand même beaucoup moins calculatoire que les échecs. Si t'as d'autres jeux qui te viennent à l'idée. Ah bah non, parce qu'après effectivement, oui, non, j'ai pas joué à d'autres styles de ce jeu. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le jeu? Donc ouais bah ça c'est plus un jeu à jouer en début de soirée. Pas avec de la fatigue. Oui, bah oui, effectivement, parce qu'il faut réfléchir. Ouais. Parce que là, on a joué aussi à ce jeu en fin de soirée. C'est Et vrai. ça, pour moi, ça, Ah je préfère plus jouer à un jeu comme ça en début de soirée oui. Ah, alors, ou ouais, en tu après-midi. vois. Parce que c'est plus feu... Parce que les jeux stratégiques comme ça, pour moi, c'est quand c'est en fin de soirée, avec Ouais. la fatigue qui vient, non. Effectivement, ouais, je. Effectivement, on se remue les neurones. Ouais. Ok, eh ben, très bien, on va pouvoir conclure. Donc, vous trouverez mon mail dans les notes de l'émission si vous voulez rentrer en contact avec moi. Alors, c'était commentaire d'après-jeu. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de jouer, d'analyser et de critiquer vos jeux et vos stratégies de jeu. Votre plaisir ludique n'en sera que décuplé.